Radio Chevauchoir. Il est 9h. Auditeurs, auditrices de Radio Chevauchoir, Lisiane vous dit bonjour. Votre émission Quoi de neuf en ce dimanche. Nous attendons bien sûr le soleil. Changement pour le 1er mai, remboursement des lentilles de contact et des verres de lunettes étendues. Fin de d'attente de 15 minutes pour l'alcoolisme. Les anniversaires people, aujourd'hui on a Jacques Dutronc qui est né à Paris. Demain Agun, mardi Nicolas Hulot, mercredi Zaz, jeudi Laurie, vendredi Christophe Ripper, samedi Dave, dimanche prochain Maître Gims. On est dimanche 28 avril aujourd'hui, nous fêtons, comme je vous le disais, la Saint-Valérie. C'est la journée mondiale de la santé, du travail, de sécurité bien sûr, sécurité du travail et de la santé. Avec ces clochettes blanches, ils sont déjà en fleurs, le muguet, bien sûr, du 1er mai. J'ai vu refleurir. Tradition d'offrir le muguet comme un porte-bonheur remontait à la Renaissance du brin de muguet qui faisait campagne dans nos drômes, dans la Drôme de roi Charles IX. Le temps du muguet ne dure jamais plus longtemps. Souvent, le brin du muguet, eh bien, à la 13 cloche, c'est le signe de chance si vous avez ce brin de 13 cloches. Déjà seront fanés pour nous deux, rien n'aura changé. Ah, ce sera pour le 1er mai, hein, ce brin de muguet pour les personnes qui l'auront, bien sûr. Et en parlant du 1er mai, eh bien, n'oubliez pas qu'après-midi, vous aurez votre animateur Robert. Il y aura un petit changement dans le programme. Vous avez joué au bingo, vous êtes peut-être les heureux gagnants des numéros suivants qui sont le 9, le 11, le 12, le 27, le 29, le 35 et le 13. Pour le Joker Plus, 335, 586, signe balance. Il est 9h12 sur les antennes de Radio Chevaucheur. Bienvenue dans cette émission Quoi de neuf jusqu'à 9h30. Et bien, et puis vous aurez votre apéritif musette jusqu'à midi et dans quelques instants le programme de Radio Chevaucheur. Mais aujourd'hui l'étoile semaine qui sera Andoni. Andoni, c'est un chanteur qui vient d'Espagne et que vous aurez la possibilité, si vous aimez ce chanteur, vous l'avez vu à Radio Chevaucheur, mais vous pourrez le rencontrer le 15 mai à mercredi après-midi à Ciney. Vous allez tout simplement sur le site culturel de Ciney, vous retrouverez toutes les infos. La 105.5 avec vous, et bien ce dimanche, n'oubliez pas que nous serons en compagnie de Cathy Minet et de Patrick à la guinguette de Radio Chevaucheur si vous voulez venir nous rejoindre. Et dimanche prochain, ce sera le Jean-Yves Quinet. Puis vous aurez le 19 mai, ce sera une journée récréative des... L'après-midi, et bien sûr, le 24 mai, nous irons soutenir l'école qu'il y a la publicité qui tourne pour le moment. Prochainement, à Radio Chevaucheur, on vous propose un repas éphémère avec une soirée convivialité, bien sûr, sur réservation. Ce sera un menu de... avec apéritif de 5 plats. Vous pouvez tout retrouver, bien sûr, sur notre agenda Radio Chevaucheur et également en venant à la guinguette, 7 rue Le Chevaucheur à l'EF, cet après-midi, on vous attend, et dimanche prochain, pour les personnes qui le souhaitent, n'oubliez pas qu'à 12h, ce sera un pain saucisse sur réservation avec cette journée. Vous voulez les bonbons de Radio Chevaucheur, il nous en reste quelques paquets au prix d'un euro le sachet. Si c'est un ami, s'il est pour toi ce que tu es pour lui, celui qui peut t'aimer sans jamais te juger, celui qui reste quand les autres t'ont déjà quitté. Opération Solidarité. Vous pouvez nous soutenir au BE 91 0632 31 09 69 76 ou via le lien sur notre page Facebook. Merci de vos encouragements. Et n'oubliez pas de soutenir votre radio via notre numéro de compte La Cagnotte en ligne en venant à Radio Chevauchoir aux festivités, en parrainant les émissions 3 euros pour le mois par animateur, vos cartes à dédicace également, votre soutien via Internet à 20 euros pour l'année et bien d'autres choses que vous pouvez trouver à Radio Chevauchoir. Radio Chevauchoir, le meilleur son de votre région depuis des générations. Voici votre apéritif musette, comme tous les dimanches matins, présenté par votre animatrice Lisiane. Un contact téléphonique par notre GSM. Nous fêtons aujourd'hui les Valérie. Bonne fête à vous!